Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, l'émission se divise en deux temps. D'abord, quelques infos. Le 26 avril, on nous informait que Kim Stanley Robinson était en entrevue sur ActuSF à www.actusf.com/strip/article-9278. Il évoque notamment la trilogie martienne. Également le 26 avril, on apprenait que le bulletin mensuel de la FENAC, Contact, consacrait 3 pages aux littératures de l'imaginaire. Vous retrouverez le document à www.lbakin.net/fantasy-news-2s-literature-au-pluriel-sans-accent-de-l'imaginaire-fnac-fnac. On nous signalait aussi une entrevue d'Hugo Bellagamba à Imagine, imagine-interviews-collective-d-hugo-bellagamba-t556.htm. Le 26 avril, Psychovision annonçait l'ouverture de la 3e et dernière section, la section BD, de son portail. Elle est consacrée aux bandes dessinées sous toutes leurs formes, manga, comics et BD européennes, voire à www.psychovision.net/BD/. Emmanuel Urien et Manukas, tous deux auteurs et musiciens, monteront sur scène au Théâtre de Poche à Toulouse pour donner vie à leurs nouvelles. Les textes seront tirés des recueils « Cours noir sans sucre »,« Toute humanité mise à part » et « La collecte des monstres » d'Emmanuel Urien et « Petit guide des transports à l'usage du trentenaire amoureux » et « Visiter le purgatoire, emplacement alloué » de Manukas. Pour réserver, composez le 05 61 48 25 52 ou par courriel à Théâtre de Poche Toulouse, à commercial aliceadsl.fr. Jérôme Vincent d'ActuSF annonçait le 29 avril le lancement de leur nouvelle collection Perles d'épices, élaborée avec la complicité d'Ayerdal. Elle regroupera des nouvelles et des nouvelles d'auteurs étrangers. Au programme pour le lancement, George R. R. Martin et Robert Silverberg. Pour plus d'infos, visitez www.edition-actusf.com. Le 2 mai, on apprenait que les Suisses naviguent sur la rivière Blanche. En effet, une anthologie de SF et de fantastique suisse romande voit le jour dans le cadre de la collection Rivière Blanche. Pour plus de détails, visitez www.rivièreblanche.com/dimsuisse.htm. Également le 2 mai, Sébastien Sauer, des éditions Libellus, annonçait la sortie de leur 5e titre, Graines d'immortelles de Pierre Bordage. Libellus se consacre aux livres audio de SF et fantastique. Visitez www.editionlibellus.fr. Le 4 mai, Jérôme Vincent d'ActuSF annonçait une entrevue avec John Connolly au sujet de son roman Le Livre des choses perdues. Vous la trouverez sur www.actusf.com. Et maintenant, Les organisateurs du Congrès boréal nous présentent l'événement ainsi que les auteurs qui y participeront cette année. Le 27e Congrès boréal se tiendra les 14, 15 et 16 mai 2010 au Cégep de Sainte-Foy à Québec pour la première fois depuis 1985. Comme chaque année, les lecteurs, auteurs, artistes, ainsi que tous les autres professionnels ou amateurs de science-fiction, de fantastique et de fantasy sont conviés. Ils pourront se rencontrer dans un cadre festif à l'occasion de tables rondes, de conférences et de lectures. Seront présents Joël Champetier, Michel Laframboise, Alain Bergeron, Héloïse Côté, Francine Pelletier, Esther Rochon, Sylvie Bérard, ainsi que Jonathan Reynolds, Dominique Bellavance, ainsi que de nombreux autres. Les thèmes de cette année sont la nouvelle dans les jars de l'imaginaire et les auteurs de Québec. Trois grands nouvellistes sont invités, Sylvie Lainé, Laurent McAllister et Ted Chiang. Pour commencer, présentons Sylvie Lainé. Née en 1957 en France, elle est professeure en sciences de l'information à l'Université de Lyon. Sa carrière universitaire lui laisse peu de temps pour écrire. Depuis 1985, elle produit au fil des années des nouvelles remarquées. Carte blanche lui vaut le prix 7e continent en 86 et Le chemin de la rencontre lui vaut la même année le prix Rony Aîné. Ce prix du public récompense le meilleur texte de science-fiction en France. Elle le recevra à nouveau pour Un signe de Séti en 2003. Sa nouvelle Les yeux d'Elsa est récompensée par un triplé exceptionnel. Prix Rony Aîné 2006, nouveau grand prix de la science-fiction française la même année et grand prix de l'imaginaire 2007. Le style de Sylvie est précis. Elle aime créer des ambiances en peu de mots, ce qui convient parfaitement au style de la nouvelle. Ses personnages sont solides et attachants et le lecteur a envie de les suivre après seulement quelques paragraphes. Certaines de ses nouvelles sont désormais réunies en recueil chez ActuSF et seront disponibles sur place pendant le congrès. Deuxième invité au programme, Laurent McAllister est un auteur virtuel né de la collaboration de Jean-Louis Trudel et Yves Ménard, tous deux Canadiens. Séparément, chacun mène une carrière littéraire depuis le milieu des années 80. Ils ont à plusieurs reprises combiné leurs forces pour produire des œuvres de science-fiction ou de fantastique, avec comme contrainte générale de ne jamais se répéter. Depuis 1989, Laurent a publié 10 nouvelles et 4 romans en français et en anglais. Son plus récent ouvrage est Suprématie, publié aux éditions Bragelonne. Ce gros volume de plus de 600 pages évoque un vaisseau piloté par une intelligence artificielle dans un univers dominé par les suprémates. Cet ouvrage dense et réaliste nous plonge dans la plus pure tradition des auteurs de l'âge d'or de la science-fiction. Ils se sont mérités au cours des dernières années le prix Boréal et le prix Aurora 2008 de la meilleure nouvelle pour « Sur la plage des épaves », le prix Boréal 2002 du meilleur livre pour « Le messager des orages ». Quant à Ted Chiang, c'est un auteur américain de science-fiction né en 1967. Déjà enseveli sous les prix littéraires états-uniens les plus prestigieux, avec « La tour de Babylone », la première nouvelle publiée par l'auteur, il reçoit le prix Nebula, puis avec « L'histoire de ta vie », il gagne à la fois le Nebula et le prix Theodore Sturgeon. L'enfer quand Dieu n'est pas présent a reçu les prix Hugo et Nebula. Auteur rare, il n'a publié entre 1991 et 2002 qu'une dizaine de nouvelles, tout au sommaire d'un recueil traduit en français sous le titre « La tour de Babylone », publié chez De Noël, collection Lune d'encre, en 2006. Ted Chiang est un auteur qui joue avec différents styles, science-fiction la plus technique, univers parallèle, histoire antique revue et corrigée, où la tour de Babylone abrite des communautés qui n'ont jamais touché terre. Chaque texte est une surprise, crée un univers en seulement quelques lignes. Vous pourrez voir en action les auteurs présents lors de tables rondes où le public est invité à participer. Quelques exemples de thèmes: La ville de Québec et ses artisans de l'imaginaire, Histoire de la science-fiction au Québec, une présentation des éditions à lire, la littérature jeunesse québécoise, la nouvelle francophone, et en anglais, une table ronde sur la nouvelle de science-fiction aux États-Unis. Les auteurs invités liront des extraits de leurs œuvres. Éric Gauthier contera un extrait de son dernier recueil d'histoires fantastiques Feu blanc. Lors du congrès seront remis aussi les prix Jacques Brassard et Boréal. Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet www.congrèsboréal.ca ou nous contacter à l'adresse suivante boreal2010@gmail.com, gmail.com. Alors, avis à tous les amateurs de genre, on vous attend à partir de vendredi 14 jusqu'au dimanche 16 mai au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Un rappel des informations, le site web www.congrèsboréal.ca, le courriel boreal2010@gmail.com. Et voilà. Merci à Guillaume Marchand et à l'équipe d'organisation du Congrès Boréal pour leur participation à l'émission. Merci de votre attention. À bientôt.